Bosco, d'où Iman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 6 décembre 2018. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. Le président entrant de la commission Vérité et Réconciliation demande une contribution effective de la population détentrice de la vérité sur les crimes commis pendant les crises que le Burundi a connues. Pierre Claver Ndayichariye a fait sa déclaration lors de la remise et reprise avec l'équipe sortante. Et les femmes détenues dans différents cachots ou prisons vivent dans des conditions déplorables selon l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers. Mais le directeur des affaires pénitentiaires en fait une toute autre analyse. Reportage. Et le ministre en charge de l'agriculture prévient, les prix de l'engrais chimique risquent d'augmenter. Il rappelle aux agriculteurs de payer leurs avances d'ici 2 mois. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Remise et reprise ce jeudi à la commission Vérité et Réconciliation sévère. Le président entrant, Pierre Claver Ndayichariye, a indiqué que être à la commission n'est pas emploi, mais une vocation. Il demande une contribution de la population burundaise, seule détentrice de la vérité recherchée. On l'écoute. La commission Vérité et Réconciliation qui est mise en place et que je préside aujourd'hui, c'est une commission qui vient succéder à une autre, qui existait depuis 2014. Elle a déjà réalisé pas mal d'activités. Au niveau de cette commission que je préside aujourd'hui, j'estime que l'apport de cette commission, c'est une bonne base pour continuer à travailler. Il y a des dépositions déjà collectées. Il y a des témoignages déjà collectés et rassemblés. C'est une bonne base. Maintenant, cette commission, comment elle va procéder ? Elle va échanger avec les cadres qui sont au niveau de la CVR, mais surtout et aussi les commissaires qui ont eu le privilège d'être réélus et qui ont participé à cet exercice. Les uns et les autres vont nous dire quels sont les défis, quelles sont les opportunités, quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés. Ce chantier, il est tellement important que la CVR, à elle seule, ne peut rien si elle ne travaille pas auprès des populations de la base au sommet, si elle ne travaille pas avec les institutions, si elle ne communique pas avec tous les partenaires nationaux depuis la base au sommet. Maintenant, il y a un défi. Il faut travailler et communiquer sur ce que la CVR fait, communiquer pour ne pas faire peur, communiquer pour aider les Burundais et les Burundaises à dire ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert. Et cette vérité que nous recherchons, c'est une vérité qui concerne les Burundais de toutes les composantes socio-ethniques. La vérité que nous cherchons, elle vient des collines, elle vient des communes, elle vient des provinces, elle vient des quartiers. Et quant à la période de travail de la CVR, qui a été circonscrite jusqu'à la période coloniale, le président de cette commission dit ne pas être inquiet car, dit Pierre Claver Ndayichariye, toutes les archives importantes sont déjà déclassifiées. Est-ce que la période est longue? Est-ce que le travail sera une surcharge pour la CVR? Je dis non, parce que je n'ai pas peur du travail, mes collègues non plus. En réalité, les dates éloignées, ce que nous appelons le passé colonial, avec tous les acteurs qui ont été sur le terrain au Burundi, dans la région, et qui peut-être auraient pris des mesures qui ne favorisent pas la réconciliation, l'unité des Burundais. C'est un travail facile, d'après moi, qui peut être conduit par des chercheurs chevronnés, expérimentés, des historiens, mais aussi ce travail pour le conduire à bonne fin. Il faut avoir un dialogue avec les pays qui ont été sur le terrain dans notre sous-région, qui peut-être nous ont colonisés, parce que ces pays détiennent des archives importantes. La plupart de ces archives sont déclassifiées depuis plusieurs années. Ce sont des archives sur lesquelles travaillent des universitaires africains de la région des Grands Lacs, en Europe, parce que 1885, conférence de Berlin, tout ce que nous appelons l'ère des indépendances, c'est déjà vieux. Au moins 85-90% de la vérité, ces archives existent, les ouvrages existent. Pierre Claver Ndayichariye, le nouveau président de la commission Vérité et Réconciliation, dont les propos ont été recueillis par Placide Niyomwongere. Le changement du taux de change va occasionner la montée du prix de l'engrais chimique. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement qui l'a dit lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi. Il a indiqué que le bon usage de l'engrais a permis l'augmentation de la production, avec en conséquence la diminution des prix sur le marché. Deogui Derurema fait savoir qu'une période de 2 mois a été donnée aux agriculteurs pour payer les avances. Suivez à ce propos le ministre de l'Agriculture, Deogui Derurema, traduit par Charles Macoute. Le gouvernement du Burundi suit de près le programme d'octroi aux agriculteurs de l'engrais et d'autres éléments qui permettent au sol de garder sa teneur en éléments nutritifs à travers le programme national et la distribution du fumier à un bon prix. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement a déjà entamé la collecte des avances sur le fumier à partir du 19 novembre 2018. Cette période prendra fin avec le 19 janvier 2019, mais à cause de la modification du taux de change et la montée des prix dans les usines de fabrication des engrais, les prix seront comme suit, bien qu'il n'y a pas eu de modification considérable. Le kilo de l'engrais dit DAP qui s'achetait à 1200 va désormais s'acheter à 1360. Le kilo d'urée qui s'achetait à 1040 va s'acheter à 1076 francs. Le prix de l'engrais dit NPK qui s'achetait à 1080 francs va s'acheter à 1176 francs. Et au kilo du chaud dormi qui s'achetait à 120 francs va s'acheter à 160 francs. Le gouvernement du Burundi se félicite de l'augmentation de la production au niveau du pays, ce qui a fait que les prix baissent grâce à un bon usage du fumier de qualité. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les femmes détenues dans différents cachots ou prisons vivent dans des conditions déplorables. Selon l'organisation Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers, la situation est la même que pour les enfants vivant avec leur mère incarcérée. Le président de cette organisation indique qu'elles sont même parfois incarcérées dans des bâtiments sans fenêtres. Reportage, Oban Yongourou. Selon le président de l'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers, les conditions générales de détention des femmes ne sont pas généralement bonnes. Cela affecte parfois les enfants qui sont avec leur mère, soit dans les prisons ou dans les cachots. On voit réellement que les conditions carcérales des femmes restent à désirer parce qu'ils ne sont pas traités comme il le fallait. Je donne un exemple d'une femme qui met au monde étant en prison. Elle dort ensemble avec les autres femmes. Vous voyez qu'il y a un impact, que ce soit au niveau mental et au niveau corporel. Et même ces femmes qui sont ensemble, elles ne sont pas à l'aise. Jean-Pierre Nimnelete indique que la situation est beaucoup plus mauvaise dans les cachots où elles sont détenues souvent dans des bâtiments vétustes. Au niveau des cachots, des communes ou des zones, je parle de la mairie, je vous donne un exemple de cas de la zone Ngagara qui n'a pas où on met les femmes. Ils demandent le secours à la zone de Chibitoki où on a une petite chambre qui n'a pas de fenêtre où on met toutes les femmes venant de la zone Ngagara et de la zone Chibitoki. Le président de l'association AVDP demande au gouvernement de tout faire pour améliorer ses conditions. Il explique que même en situation de détention, chacun garde sa dignité. Ce que nous plaidons toujours, je ne disais pas qu'il n'existerait pas des détenus ou des prisonniers. Il y en a, mais il faut qu'il y ait une condition, une amélioration des conditions carcérales pour ces gens-là. Mais même s'ils sont emprisonnés, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas automatiquement leur dignité. Seulement, ils sont privés de cette liberté de circuler seulement. Selon les effectifs donnés par la direction des affaires pénitentiaires, le nombre de femmes incarcérées est de plus ou moins 500. Oban Yongourou, le directeur général des affaires pénitentiaires, affirme par contre que les femmes incarcérées sont bien entretenues par rapport aux hommes. Gervé Habzalimana précise que les associations qui luttent pour les droits des prisonniers fournissent des aides prioritairement aux femmes. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. les décennies femmes comme les décennies hommes, ils sont bien entretenus. Et je dirais d'ailleurs, à ce que je sache, c'est que les détenus femmes et juifs ont encore des avantages par rapport à une association qui vient nous appuyer. La plupart d'autres associations privilégient les femmes. Et au niveau de l'assistance, il y a des différents dons qu'on donne, soit en matériel ou bien certains dons au niveau de l'alimentation. La priorité, c'est pour les femmes. Même les femmes, je dirais qu'ils sont mieux traitées et juste des avantages par rapport aux hommes. L'association volontaire pour la défense des droits des personnes dénonce également qu'il y a des enfants mineurs qui sont encore incarcérés avec leurs mères. Qu'est-ce que vous en dites aussi de la direction des affaires pénitentiaires? Ça aussi c'est faux. Les enfants mineurs, ce qu'on appelle les enfants mineurs, ce sont les enfants qui ont un âge de 3, moins de 3 ans. Et ces enfants-là, oui, il y en a, c'est des enfants qui viennent souvent avec leur mère, les mères allaitantes qui sont arrêtées, ils viennent avec leurs enfants, parce que la maman a été arrêtée il y a une grosse. Mais ils ne sont pas emprisonnés tellement, ils sont avec leur maman qui sont emprisonnés. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour que ces enfants mineurs emprisonnés soient relâchés? Ils sont avec leur maman, c'est de conscientiser en effet qu'ils puissent libérer ces enfants et qu'ils aillent dans leur famille, soit dans les familles, soit dans des centres d'accueil qui sont ici et là. Nous avons des partenaires dans ce domaine-là qui nous aident à accueillir ces enfants. Gervais Abdialimana, directeur général des affaires pénitentiaires. Et l'organisation chrétienne d'Ottawa Rané estime que les responsables religieux ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Dans une rencontre qui a eu lieu ce mercredi à Rumonge, entre les responsables religieux des communes Rumonge et Bugarama avec l'administration, les forces de l'ordre, la justice et les médias, une employée d'Ottawa Rané, Claudine Nizeimana, a appelé les responsables religieux qui hésitent encore à se lancer dans cette lutte, à changer de comportement. Jean-Pierre Misago. Selon Claudine Nizeimana, une employée de l'organisation non gouvernementale locale d'Ottawa Rané des églises chrétiennes, l'enseignement de la parole de Dieu doit être accompagné par l'enseignement du bien-être familial. Dans cette logique, les responsables religieux sont bien placés dans la sensibilisation, dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Eux, ils ont le rôle de faire la sensibilisation, d'enseigner, parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances, c'est-à-dire que les gens ne sont pas enseignés sur les thèmes comme la lutte contre les violences basées sur le genre. Les gens peuvent être dans l'église et croire que tout va bien, mais on trouve que dans les ménages, il y a des problèmes entre mari et femme. Il y a des problèmes que les gens subissent de par la communauté. Donc, c'est pourquoi c'est nécessaire que cela aussi soit fait par les leaders ecclésiastiques, les pasteurs. Selon cet employé de Ottawa Rané, les responsables religieux qui considèrent encore ces enseignements comme réservés aux autres et non à eux doivent évoluer et les supports dans ces enseignements dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles leur seront fournis. À côté des responsables des églises chrétiennes collaborant avec Ottawa Rané dans les communes de Rumonge et Bugarama, le coordinateur du Centre pour le développement familial et communautaire en province Rumonge, les administratifs des communes Rumonge et Bugarama, les représentants de la police, du parquet de Rumonge et des médias étaient présents dans cette réunion de sommet de crédit à Rumonge. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago et c'est justement dans ce cadre même des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles que l'avocate du centre Serouka a déclaré que 286 nouveaux cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre, dont 5 hommes, ont bénéficié de l'assistance judiciaire du centre Serouka en 2018. Et c'était au cours d'un atelier de réflexion sur l'impact de la loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Maître scolastique Negamiye a indiqué que tous les 9 jugements rendus au cours de cette année ont été gagnés. Et pour terminer ce journal, le cadre d'expression des malades Semabou appelle ceux qui ont le bec de lièvre à se faire enregistrer aux hôpitaux provinciaux et auprès des représentants provinciaux de cette organisation à partir de ce mardi. Le porte-parole du CEMABU a indiqué que ce cadre prendra en charge les frais des soins de santé et les frais de déplacement. Sylvain Abanawakize fait savoir que les opérations des patients se feront à l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasore et que les inscriptions se poursuivent même pendant la période d'opération qui ira du 4 au 18 janvier 2019. Suivez-le, il est au micro de Charles Makoto. En date du 4 janvier 2019 au 18 janvier 2019, dans son projet Merankabandi, le cadre d'expression pour les malades au Burundi, c'est ma bonne sigle, en collaboration avec une ONG américaine, procédera à une opération chirurgicale gratuite des personnes nées avec le bec de lièvre, communément appelé en Kirundi ou Bujana, à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore de Bujumbura. Le CEMABU demande à toutes personnes nées avec cette anomalie de se faire identifier aux représentants provinciaux du CEMABU ou aux hôpitaux publics approximatifs à partir du 5 décembre 2018. Prière aux autorités administratives, médicales et aux représentants des confessions religieuses d'apporter leurs contributions en diffusant largement cette information. En fait, le CEMABU informe les personnes qui se feront identifier qu'il les prendra en charge pour les frais de transport et tous les frais médicaux nécessaires. C'est précisément à quel endroit dans une province? Les gens nés avec le bec de lièvre se rendront dans des hôpitaux publics provinciaux. Ils vont y retrouver nos représentants provinciaux avec des fiches. Mais cela ne signifie pas que toute personne qui ne sera pas identifiée sera épargnée par cette mesure. Cet individu aura la chance, il peut venir à tout moment. Pendant cette période, il sera opéré sans problème. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'envoyer ces fiches dans les structures de soins au niveau des dispensaires dans les communes? On est en collaboration avec le ministère ayant la santé de la population dans ses attributions. Nous espérons que d'ici quelques peu de jours, le service de communication va nous aider à diffuser et à accueillir ces gens nés avec le bec de lièvre. Sylvain Habanabakizé, c'est le porte-parole du cadre d'expression des malades. CEMABU, il était au micro de Charles Makoto. Et c'est sur cette interview que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Toussaint Mitebouti qui a mis en onde ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Un bon après-midi.